Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Hugues Moret. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette quatrième saison, le podcast 2030 Glorieuses, il est à nouveau soutenu par la NEF. Quelle chance! La NEF, c'est la banque des 2030 Glorieuses. C'est donc un lien évident. C'est une coopérative bancaire et citoyenne pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et donc, c'est un partenariat évident qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Des personnes comme Hugues. Aujourd'hui, je suis heureux de te donner la parole, Hugues, puisque toi, tu es directeur scientifique d'Arthropologia. C'est une association qui œuvre au quotidien pour le changement des pratiques en menant des actions concrètes en faveur des insectes, notamment. Ensemble, nous parlerons de la nécessité de se reconnecter au reste du vivant, de décentrement, d'humilité. Et nous questionnerons aussi le besoin d'agir ou non agir face à cet effondrement de la biodiversité auquel nous sommes en train d'assister et de contribuer. Mais avant de rentrer dans toutes ces questions, Hugues, pour commencer notre échange, je te pose la question que je pose à tous mes invités, c'est-à-dire, imagine, tu es à un événement où tu es amené à parler à des inconnus, arrive la question très vite fatidique de « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Ah, alors je leur réponds, alors pas ma fonction professionnelle, mais d'abord mon activité, c'est-à-dire, et ma motivation, c'est-à-dire je suis naturaliste, voilà. Alors tout le monde connaît pas ça, parfois les gens connaissent Darwin et tout un tas d'autres naturalistes ou des explorateurs du XVIIIe siècle, sont souvent étonnés que ça existe encore, et parfois on confond ça avec naturisme, je suis obligé de donner quelques explications, bien qu'on peut chercher des insectes ou des plantes toutes nues, mais c'est pas tout à fait... Ah si, si, mais c'est tout à fait... Voilà, et donc je suis naturaliste, un amoureux de la nature depuis toujours, et je pense que la définition est assez simple, intérieure. Et après, quand on creuse un peu, on voit que tu es, comme je disais, directeur scientifique, j'ai lu aussi que tu te présentais comme activiste pour le vivant, j'ai aussi lu que tu étais expert pollinisateur, lesquelles des casquettes tu viens à porter ou à présenter le plus souvent et laquelle est celle dans laquelle tu te sens le plus à l'aise ou le plus fier peut-être, si jamais on devait vraiment se dire voilà, on propose et on présente ces métiers qui se déploieront largement, qui se normaliseront en 2030 glorieuse. Alors le métier dans lequel duquel je suis le plus fier, c'est le métier de naturaliste. Après, c'est vrai que directeur scientifique, c'est une fonction un petit peu pompeuse parce que voilà, on est 22 salariés, il faut avoir une ligne et corriger un certain nombre de choses. Ou très bien, expert pollinisateur, c'est aussi un petit peu pompeux auprès des ministères, auprès de ce genre d'institutions où ça légitime une place. Mais finalement, ce qui est le plus en relation avec ma vie, mon essence et la motivation de départ, c'est l'activisme, c'est-à-dire se lancer activement à corps et âme dans la défense d'une planète dont on dépend et dont trop peu se soucient pour qu'on arrive à la sauver d'ici quelques années. Alors, les choses sont en train de changer heureusement et c'est bien ça qu'on essaye de pousser dans nos activités quotidiennes, professionnelles, personnelles ou les leitmotifs qui nous animent. Je pense qu'on est quand même pas mal à être dans cet état d'esprit. Tu parlais de Darwin, de tous ces explorateurs du 18e, 19e siècle. On pense aux récits fameux hein, de Jules Verne et à toutes ces sociétés d'explorateurs comme on les imagine ou comme on les a vus dans les histoires, dans les films notamment. Est-ce que tu dirais que ta fonction de naturaliste est identique à celle qu'on retrouvait il y a quelques siècles auparavant, ou est-ce que tu dirais que ça a fondamentalement changé et peut-être que ça dit quelque chose aussi de la place de l'être humain sur cette terre si ta réponse est dans le sens du changement ? Eh bien, il y a quelques siècles, les savants, comme on les appelait, étaient capables de maîtriser à peu près l'ensemble des disciplines scientifiques, dont les disciplines naturalistes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être ornithologues, ichtyologues, botanistes, entomologistes, mais aussi physiciens, chimistes, etc. Évidemment, c'est plus du tout possible aujourd'hui, même s'agissant uniquement des disciplines naturalistes. Quand on est un bon ornitho, bah, on peut se pencher sur quelques autres disciplines, mais ça devient compliqué de croiser ces choses-là au regard des connaissances qu'on a. Et pour autant, les connaissances qu'on a sont extrêmement limitées au regard de la complexité du monde. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui 2 500 000 espèces sur la planète, il y en a peut-être 8, 10, 20, 30, 100 millions, en fait, on n'en sait absolument rien. Donc à la fois, il y a des choses qui se ressemblent, c'est-à-dire dans l'exploration du vivant, la découverte de qu'est-ce qui existe où, qu'est-ce qui interagit avec quoi, quand et comment, à la fois dans la découverte de nouvelles espèces, hein, puisque là aussi, ça, c'est assez régulier, et à la fois dans la vulgarisation, c'est-à-dire porter le message de la vie sauvage, des non-humains ou des humains qui vivent différemment, puisque c'est aussi l'ethnologie, aussi une discipline de départ des naturalistes, auprès d'un public le plus large possible. C'est vraiment le partage des connaissances et bénéficier de ce que les uns et les autres ont pu apprendre et comprendre de cette planète. C'est sans doute trop facile de dire qu'il y a 2-3 siècles en arrière, les naturalistes répertoriaient, allaient vers pour finalement cataloguer et mettre toutes ces nouvelles espèces dans les placards disponibles pour les humains, alors qu'aujourd'hui, les naturalistes vont plutôt répertorier pour défendre, pour protéger. C'est trop simpliste comme point de vue. Mais c'est trop simpliste et en même temps c'est la réalité, parce qu'il y a 2 siècles, la vie sur Terre n'était pas menacée, et prélever des animaux, des plantes, ou le reste est plus compliqué, pour en faire un catalogue du vivant, même si ça peut être choquant, hein, un album d'animaux et de plantes, eh ben ça n'avait pas le même impact sur le reste de la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué de chercher à connaître pour connaître sans avoir, et il y en a encore, hein, sans avoir en arrière-plan l'idée de protéger et de faire connaître pour protéger. Donc oui, je pense que les choses ont changé. Aujourd'hui, on continue à répertorier. Tout le monde n'est pas motivé de façon proactive dans la protection de la nature, mais ça fait partie des choses qui se sont largement réunies au cours de ces derniers siècles. C'est difficile aujourd'hui de protéger ce qui est en train de disparaître, même d'inventorier la nature commune qui est en train de disparaître. Il vaut mieux qu'on mette un peu de temps et un peu d'énergie à essayer de la réparer, quoi. On en parlait en introduction, Hugues, tu es donc directeur scientifique d'Arthropologia. C'est une association qui est vraiment à l'image du vivant, puisque vous avez des activités qui sont foisonnantes. Est-ce que tu peux essayer de nous les décrire en quelques minutes, s'il te plaît ? Oui, alors on en est fiers. Arthropologia, c'est une asso qui est née il y a 22 ans maintenant. On est plus d'une vingtaine de salariés et on intervient sur les différents champs classiques des assos naturalistes. L'animation scolaire, périscolaire pour les enfants et les plus grands. Et puis des activités grand public et famille, c'est-à-dire des sorties, des conférences, des ateliers, des débats, des échanges, des projections cinéma, etc. Et puis on fait aussi beaucoup de formations professionnelles auprès des espaces verts, des agriculteurs, des élus, des journalistes, de la vacation d'enseignement. Donc toujours sur ce sujet-là dont on vient de parler, hein, c'est-à-dire porter cette parole du vivant, essayer de parler de la matrice qui nous permet de vivre. Et donc tout ça se base sur une activité d'expertise sur la faune et sur la flore. Alors sur la faune, on est recentré, comme tu l'as dit, sur les insectes et les petites bêtes, pas que, hein, mais là aussi c'est une question de champ qui était couvert ou pas. Il y a 20 ans, peu d'associations, et en tout cas pas dans le coin, s'occupaient d'insectes, alors que sur les mammifères, sur les oiseaux, sur les forêts, sur les plantes, il y en avait. C'est pour ça qu'en fait on a décidé de se réunir pour travailler là-dessus. Donc c'est pas une maniaquerie des insectes, hein, c'est simplement essayer de porter la voix de ceux qui remplissent des fonctionnalités indispensables, notamment pour les vertébrés dont on fait partie, mais aussi pour les plantes, etc. Et la dernière activité, elle découle de tout ça, c'est une activité de lobbying, d'activisme pour le vivant, auprès, encore une fois, des décideurs, des élus, des journalistes, etc. Être présent, hein, c'est vraiment la stratégie d'être présent tout le temps pour rappeler que la nature est indispensable, qu'on en a besoin, et que chacun, tout un chacun, tous les jours, tout le temps, peut facilement y prendre part à cette défense et notamment être actif dans les espaces dont il a la gestion. Nous, dans le podcast 2030 Glorieuse, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant les actions, les alternatives, les propositions. À la fois, le sujet est tellement crucial, tellement important, tellement nécessaire que j'ai quand même l'impression qu'on va devoir passer par la réponse à cette question qui est de dire mais pourquoi il faut agir autant sur ces sujets en 2023 si tu devais en un ou deux chiffres, un ou deux exemples, un ou deux faits, je sais pas, nous dresser le portrait accablant de la situation du vivant actuellement, tu nous dirais quoi? Alors c'est toujours le problème de faire les choses rapidement, hein. Ce monde zappe d'une donnée à l'autre, d'une info à l'autre extrêmement rapidement, et en fait il faut toujours un petit peu de temps pour expliquer ces choses-là, alors je ne m'étends pas plus sur le contexte. Alors excuse-moi de t'interrompre et de changer un peu de question, peut-être que c'est pas sur un fait, peut-être que c'est pas sur un chiffre finalement, mais peut-être que c'est sur quelque chose aussi d'intime de ton côté que tu as envie de nous témoigner de l'importance d'agir. Eh ben, c'est la motivation. Oui, le côté intime, le côté émotionnel, c'est la motivation primaire. C'est bien pour ça que je fais ça aujourd'hui, c'est bien pour ça que j'ai cofondé cette association, parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Mais effectivement, les chiffres, les anecdotes sont des éléments assez marquants dont on a parfois pas idée et qui éclairent un petit peu le sujet. Alors, ça peut être chiffrer les services rendus par la nature, c'est très choquant pour nous, mais pour autant, ça pèse ou ça participe à la discussion publique et notamment aux choix économiques, peut-être en tout cas dans la tête du grand public. Bah, le constat, il est facile à dresser en quelques mots, hein. La biodiversité, c'est les organismes qui vivent autour de nous, les champignons, les plantes, les animaux, les bactéries, etc. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un niveau supérieur qui est les gènes, donc le moteur de l'adaptation et de l'évolution. C'est aussi un niveau inférieur qui est la diversité des écosystèmes, des milieux, et transversalement, eh bien, toutes les fonctionnalités écologiques, les cycles de l'eau, de l'air, du carbone, de l'azote, etc., qui sont remplis par ces organismes dans ces milieux sous l'influence de leurs gènes. Et ces fonctionnalités, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques quand on les regarde d'un point de vue anthropocentré. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et donc, l'effondrement du vivant, hein, la destruction du vivant et la perte de biodiversité, c'est pas simplement un peu moins de champignons et un peu moins de papillons dans les champs. C'est ça, plus la perte de la capacité de la nature à pouvoir s'adapter, plus la perte de la diversité des écosystèmes, et par voie de conséquence, la perte de fonctionnalité et donc de services écosystémiques, que sont la production d'oxygène, la filtration de l'air, de l'eau, la pollinisation, le recyclage des matières organiques, bref, tout ce sans quoi on ne peut pas vivre. Et donc, après, à ça, quand on a compris ça, c'est une évidence, c'est une lapalissade, mais c'est vrai que mettre des termes, expliquer ou donner des exemples, ça permet d'être un peu plus prégnant. Ben, si on regarde les causes, les principales causes, elles sont pas très compliquées, hein. C'est la pollution des habitats, de tous les habitats, tout azimut, sur l'ensemble de la planète. Et ça, c'est les pollutions agricoles, industrielles, routières, domestiques, lumineuses, etc. Donc, on est tous responsables de cette consommation. C'est ensuite la destruction des habitats et le morcellement des habitats, qui est la même chose, mais qui est un peu plus diluée dans le temps. Et là aussi, c'est lié à nos pratiques d'urbanisation, de banalisation des milieux, d'augmentation des surfaces agricoles et sylvicoles, etc. Voilà. Et ça, c'est les deux principales causes. La troisième, ce sont les changements climatiques, donc l'embrasement climatique et les changements globaux induits, hein, c'est pas que un réchauffement. Et là, je tiens à attirer votre attention sur le fait que ces changements climatiques sont la conséquence des deux premières causes. C'est-à-dire que c'est avant tout, ça devient aujourd'hui une cause qui amplifie la disparition du vivant, mais c'est avant tout une conséquence. La terre brûle parce que la terre est polluée et parce que les milieux naturels sont détruits. Après s'ajoutent effectivement les espèces invasives qui sont le fait de notre commerce, la surchasse, la surpêche, surexploitation des ressources, la mythologie, etc. Enfin, tout ce qui est aussi des causes de destruction, de folklore et de destruction extrêmement grave du vivant. Voilà, donc quand on a posé le constat du côté indispensable de cette grande diversité, hein, le monde fonctionne parce qu'il est extrêmement complexe et on passe son temps à le simplifier, donc il peut pas tenir. Quand on a lister les principales causes, c'est finalement assez simple de se rendre compte où, comment et quand on peut agir sur sa consommation, dans son jardin, auprès de ses amis, de sa famille, etc., dans ses transports, dans ses vacances. Donc voilà, c'est pour ça que ça demande toujours un petit peu de temps, mais finalement, on a tous à portée de main des modalités d'action extrêmement efficaces. On est beaucoup plus nombreux que ceux qui décident et on peut orienter la société dans une autre voie que celle qu'on a prise depuis quelques décennies ou quelques siècles. Tu parles de tous ces mots, de tous ces choses qui sont en train de se déliter. Nous, l'humanité, on fait partie de ces rares. Est-ce qu'on ne serait pas même la seule espèce qui n'arrive pas à s'auto-limiter dans ce milieu, dans son milieu, pardon. Et donc, j'entendais encore une conférence il y a quelques jours qui disait que les seules autres espèces vivantes qui reproduisent le même mécanisme que l'humanité, ce sont les cellules cancéreuses qui n'arrivent pas à s'auto-limiter. J'ai l'impression que donc tout ce que tu nous dis, tous ces chiffres, ils sont forcément entendables, ils marquent, ils peuvent permettre parfois pour certains d'agir et qu'à la fois, bon, ce qui quand même caractérise l'humanité, c'est son irrationalité. L'irrationalité pour le pire, mais peut-être que on a aussi une irrationalité pour le meilleur qui passe par la beauté. Est-ce que tu partages mon point de vue? Et si oui, est-ce que il y a dans tes récentes observations, rencontres avec ce vivant que vous protégez, que vous défendez, pour lequel vous militez, il y a des beautés que tu veux nous partager? Alors là, on n'aurait pas assez d'une heure parce que c'est ça qui motive ma vie et c'est ce pourquoi j'aime ça et ce pourquoi je fais ça. Donc la beauté de ce monde et l'expliquer à nos concitoyens. Jean Rostand, qui est le fils d'Edmond Rostand, il avait une phrase à ce sujet. Il disait « Le naturaliste se demande parfois s'il aime la nature parce qu'il la connaît ou s'il ne la connaît simplement parce qu'il l'aime. » Et effectivement, c'est toujours difficile de savoir quel côté alimente lequel. Mais moi, je me retrouve bien dans cette phrase qui nous tourne-cote un petit peu le cerveau dans tous les sens. Et j'avoue que j'ai pas la réponse. Et je me souviens d'un texte produit par Géonte, je trouve plus le nom de l'auteur de Triste Tropique. Un ethnologue, voilà, Claude Lévi-Strauss, et merci, qui a fait un texte sur justement la correspondance entre le développement des sociétés humaines et des villes humaines et le développement des cellules cancéreuses, des métastases, etc. C'est un texte qui est juste fabuleux à lire, incroyable, incroyable de la manière dont il décrit l'étalement sans limite des humains et qui compare ça à la prolifération des cellules cancéreuses. Effectivement, c'est le vrai problème. Alors, est-ce qu'on est le cancer de la planète? J'en sais rien, j'aime pas bien ce genre de métaphore, mais pour autant, on a un pouvoir, une puissance incommensurable. C'est ce que certains décrivent au travers de la puissance énergétique qu'on est capable d'utiliser, là, pour faire le podcast, ou bien pour aller à l'autre bout de la planète, ou bien pour cultiver, etc. On est capable de dégager des puissances qui sont incommensurables. En l'an 1000, l'homme produisait dans ses activités industrielles autant d'énergie que la Terre en a besoin pour faire tourner ses plaques tectoniques, monter ses volcans, etc. Ça, c'était en l'an 1000. En l'an 2000, on était à 100 fois ça. C'est-à-dire qu'on dégage 100 fois plus d'énergie que la planète en a besoin. Et finalement, c'est peut-être ça, là aussi, que se traduit cette déconnexion. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limite, on le fait parce qu'on peut le faire, pas parce que c'est durable, pas parce que c'est intelligent, pas parce que ça va aider nos concitoyens ou le reste de la nature, mais on le fait parce que c'est faisable et surtout parce que c'est finançable. Et ça, ou financiarisable, ce qui est encore pire, et ça, c'est un véritable problème, c'est que c'est finalement, et on le sait tous, hein, c'est ce qui domine cette planète, c'est la sphère économique. Et là, on voit bien, au regard de l'effondrement du vivant, que si on n'inverse pas ce paradigme et qu'on ne fait pas monter la biosphère au-dessus de la sphère économique, bah, ça ne pourra pas tenir. Donc aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. On n'est pas à légiférer contre des boîtes pour qu'elles arrêtent leurs activités polluantes. Ou on est même, quand on inverse ce processus et qu'on essaye de dépolluer, on demande rarement à ces boîtes qui en sont partiellement ou entièrement responsables de mettre la main à la poche. Donc là, il y a vraiment une différence d'appréciation et peut-être qu'elle est liée aussi au manque, à la déconnexion, au manque de contact, au manque d'observation, au manque d'appréciation de ce qui nous entoure. Hein, on sait bien que la qualité et de la quantité de nature qu'on croise dépend notre bien-être moral, psychique, évidemment physique, mais aussi l'agressivité, la prise de médicaments, la rechute, la rémission. Et tout ça, c'est mesuré dans des hôpitaux, dans des EHPAD, dans des prisons. Donc nous sommes la nature, on s'en est déconnecté, mais on doit reprendre cette voie de vivre au travers des autres êtres dont on n'est pas supérieur. Du reste, c'est quand on regarde comment un corps humain est composé, hein, il est composé de 10 000 milliards de cellules, 10 exposants 13 cellules, sauf qu'il y a 10 exposants 14 cellules bactériennes sur le biofilm externe et à l'intérieur le symbiote interne. Et donc on est fait de 90% de cellules qui ne sont pas des cellules humaines. Et si on regarde chacune de nos cellules, les cellules eucaryotes, les cellules que sont les cellules des champignons, des animaux ou des plantes, elles sont faites de bactéries géantes qui ont absorbé des petites bactéries, qui ont absorbé des mégavirus, et ce qui a donné nos cellules qui ont un noyau et qui ont des organites producteurs d'énergie comme les mitochondries ou bien comme les chloroplastes pour les plantes. Donc, intrinsèquement, nous sommes des chimères de bactéries et de virus, et tous nos patrimoines génétiques est la résultante de ces millions et ces millions d'années d'évolution, d'empilement d'informations génétiques. Et finalement, si avec ces éléments-là, on n'est pas capable de voir notre interdépendance et même notre essence même qui est de la biodiversité, ça devient compliqué. Et ça demande un petit peu de temps et un petit peu d'exploration ou un petit peu d'écoute, d'attente, de ralentir et peut-être d'arrêter de zapper sur les réseaux sociaux, mais de voir comment on est fait et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir dans ce monde en profitant de tout ce qui nous entoure. Eh ben, on va en parler de tout ça, Hugues, et c'est ce qui nous attend quand on voyagera en 2030 glorieuse, cette époque où tout est possible et qui nous tend les bras. Avant ça, on va marquer une petite pause qui nous est à chaque fois offerte par l'invité. Tu viens avec la lecture d'un passage qui sensibilise, qui alerte, qui donne à voir justement pourquoi ces 2030 glorieuses sont finalement pas si lointaines et en tout cas vraiment tout à fait désirables. Qu'est-ce que tu nous offres comme cadeau aujourd'hui, Hugues ? Alors j'avoue que c'est compliqué ça, hein. C'est vrai qu'un texte super positif sur la beauté du monde et l'émerveillement aurait pu avoir sa place, et comme tu as pu l'entendre dans le début de cette interview, c'est ce qui me motive, mais c'est aussi ce qui me terrorise, la perte de ce monde, la perte de cette beauté, la perte de la qualité de vie et le monde qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Eh ben, j'ai choisi pour ça un texte de Fred Vargas, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement pour ses polars. Je suis un grand lecteur de polars, qu'elle a écrit en novembre 2008. Donc tu vois qu'il n'est pas du tout récent, il y a une quinzaine d'années, et qui s'appelle « La troisième révolution ». Troisième révolution. Nous y voilà. Nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance. Nous avons chanté, dansé. Quand je dis « nous », entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure. Nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air. Nous avons conduit 3 voitures. Nous avons vidé les mines. Nous avons mangé des fraises du bout du monde. Nous avons voyagé en tous sens. Nous avons éclairé les nuits. Nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche. Nous avons grossi. Nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu. Franchement, on s'est marré. Franchement, on a bien profité. Et on aimerait bien continuer, tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. Certes. Mais nous y sommes, à la troisième révolution, qui associe de très différents des deux premières, la révolution néolithique et la révolution industrielle pour mémoire, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire, la troisième révolution ? Demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui, on n'a pas le choix, elle a déjà commencé. Elle ne nous a pas demandé notre avis, c'est la mère nature qui l'a décidé après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. À l'exception des fourmis et des araignées qui nous survivront, peut-être car très résistantes et d'ailleurs assez peu portées sur la danse. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix. On s'exécute illico et même si on a le temps, on s'excuse affolé et honteux. D'aucuns, un brin rêveur, tentent d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance. Peine perdue. Il y a du boulot plus que l'humanité n'en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi et ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser aux voisins. Relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est. Attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille. Récupérer le crottin, pisser dans les champs, pour le phosphore, on n'en a plus, on a tout pris dans les mines. On s'est quand même bien marré. S'efforcer, réfléchir même, et sans vouloir offenser, avec un terme tombé en désuétude, être solidaire, avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde. Colossal programme que celui de la troisième révolution, pas d'échappatoire, allons-y! Encore qu'il faut noter que récupérer du crottin, et tous ceux qui l'ont fait le savent, est une activité foncièrement satisfaisante, qui n'empêche en rien de danser le soir venu, ce n'est pas incompatible. À condition que la paix soit là. À condition que nous contenions le retour de la barbarie, une autre des grandes spécialités de l'homme, sa plus aboutie peut-être. À ce prix, nous réussirons la troisième révolution. À ce prix, nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore. Fred Vargas, novembre 2008. Merci Hugues pour cette lecture. On a effectivement parcouru pas mal d'étapes depuis ce texte, cette alerte de Fred Vargas, puisque ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse. C'est un jeu de l'esprit, bien sûr, et les personnes qui nous écoutent, que ce soit avec leur enceinte, leur ordinateur ou leurs écouteurs, elles sont restées en 2023, sans doute, si elles nous écoutent au moment de la sortie de cet épisode. Nous allons nous projeter en 2030 glorieuse, en partant du principe qu'il faut aussi faire émerger des caps, des alternatives, pour qu'ensuite, dans le présent, on soit beaucoup plus efficace dans l'action. Et ces caps et ces alternatives, à mon sens, elles se doivent d'être aussi souhaitables, désirables, joyeuses, plaisantes, pour donner encore plus envie, pour massifier le mouvement vers ces modes de vie qui, pour l'instant, peinent à se normaliser, qui peinent à émerger. On est donc en 2030 glorieuse, dans un monde où, si c'est vrai, comme le disait Fred Vargas, qu'on a dû couper tout un tas de robinets, de gaz, de pétrole et j'en passe, on en a ouvert tout un tas d'autres, et c'est ça qui m'intéresse. Quels sont les robinets qu'on a ouverts, Hugues ? On a ouvert des robinets de contemplation, des robinets de plaisir, de joie, de bonheur, d'amour, de solidarité, d'entraide, des robinets d'ennui, peut-être, tu vas m'en parler de tout ça. Et ma première question, c'est, toi, tu es en 2030 glorieuse, tu as senti cette secousse sous ta chaise qui te permet de vivre le voyage le plus extraordinaire et en même temps le plus écolo, puisque tu n'as pas bougé. Qu'est-ce que tu vois par ta fenêtre en 2030 glorieuse, Hugues ? Eh ben, je vois de la nature partout. Je vois de la nature, évidemment, dans les campagnes, et je vois la fameuse phrase des mille allées remise au goût du jour. Il faudrait construire les villes à la campagne. L'air y est beaucoup plus pur. Ben, en fait, on a inversé ce paradigme parce qu'on a fait rentrer la nature dans les cultures, dans notre culture, dans la ville, au pied des immeubles. On l'a fait rentrer sur les bâtiments, on a fait grimper des plantes, on a les toits qui sont recouverts de végétaux, on a une production alimentaire dans les villes, on a des paysans urbains, on a des animaux qui paissent, on a des gens qui cultivent des petits fruits, des petits légumes et des aromatiques de partout. Et en fait, chacun a pris sa part, parce qu'on s'est rendu compte, il y a une dizaine d'années de ça, dans les années 2020, que les jardins en France, autour des maisons privative, représentait 1 million d'hectares. Et ça parlait pas beaucoup à tout le monde, sauf qu'un million d'hectares, ça représente presque 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles françaises. Et fort de ce constat, on s'est dit que si on rendait un quart de nos jardins à la nature, on multipliait par 2 les surfaces naturelles, la surface des réserves naturelles françaises. Et que finalement, on allait aller au-delà, on allait rendre la moitié, parfois les 3/4 des jardins, et on allait faire exploser ces surfaces-là. Et à ça, on a ajouté les pieds d'immeubles, les résidences, les espaces verts des entreprises, les parcs, les jardins urbains, les échangeurs, les bords de route, les zones d'activité commerciale, bref, des millions d'hectares qu'on a arrêté de tondre, de broyer et de torturer pour rentrer dans un moment de lenteur, de partage avec les autres, dans l'espace, dans le temps, des ressources, du territoire, dans l'émerveillement, dans la beauté, dans le bonheur, dans la joie de vivre les uns avec les autres. Et ça, il aura fallu seulement 10 ans pour changer radicalement la face du monde, parce que un arbre, qui est l'élément le plus important dans la structuration du paysage, hein, il existe 3000 milliards d'arbres sur la planète, on en coupait 15 milliards, notamment dans les forêts tropicales, pour produire de l'huile de palme et de l'OGM, et la prise de conscience de toutes ces choses-là fait que on a planté massivement des arbres. Les plantes représentaient 82% de la biomasse terrestre, et donc on remplit l'espace de leur ombrage, de leur évapotranspiration, de leur production de matière organique. Et tout ça, eh ben, ça a modifié la courbe du climat. Évidemment, ça n'a pas arrêté le changement climatique, mais ça a atténué largement les effets d'îlots de chaleur au profit des effets d'îlots de fraîcheur. Ça a permis de nourrir mieux en qualité et en quantité la planète et nos concitoyens. Ça a permis peut-être d'accueillir certaines personnes dont le pays devenait intenable et dont les causes étaient des causes occidentales et notamment européennes. Voilà, le monde qu'on voit aujourd'hui en 2030, en seulement 10 ans, a pu changer, a pu émerger d'une contemplation, d'un partage et d'une forme de laisser-faire. C'est-à-dire que depuis 4 milliards d'années pratiquement que la vie existe sur Terre, depuis 500 millions d'années qu'elle est sortie de l'eau, eh ben tout se passe très bien. Depuis 2 millions d'années qu'on tient debout, il n'y avait pas trop de problèmes. Depuis 100 000 ans qu'on s'était sédentarisé, qu'on avait augmenté les zones de production, qu'on avait concentré les animaux, qu'on avait concentré les mêmes espèces, qu'on avait banalisé les milieux, les problèmes étaient arrivés. Et finalement, en moins de 150 ans après la révolution industrielle, on avait complètement modifié notre habitat. Eh bien, on se rend compte qu'au bout de 10 ans, les choses ont changé et qu'en quelques dizaines d'années, on peut radicalement changer la surface de cette planète. Donc 10 ans, c'est bien, c'est un bon début, c'est un bon bilan. Mais il va nous falloir encore quelques dizaines d'années de formation des générations futures, d'acceptation des autres et de partage du territoire avec les non-humains, plantes, animaux, bactéries, champignons, protozoaires, bref, tout ce qu'on voit, ce qu'on aime, ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on n'aime pas. On voit bien, en tout cas, dans ce que tu décris, cette transformation structurelle, matérielle, géographique, architecturale, qui a permis au vivant, à la nature, comme tu la nommes, d'être beaucoup plus présente dans tous les milieux où vit l'être humain, notamment les milieux urbains. J'ai l'impression que cette modification, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi philosophique, poétique. En réalité, on a fait preuve d'humilité, on a dû reprendre notre place parmi le vivant et arrêter de se mettre sur un piédestal ou au moins se couper comme on le faisait du vivant il y a encore quelques années en arrière. J'ai l'impression que finalement, on a repris l'exemple qu'on trouvait tout autour de nous, notamment tu parlais des arbres. Eux, on découvrait il y a une dizaine d'années en arrière qu'ils faisaient preuve de timidité, c'est-à-dire qu'ils laissaient la place pour que les autres puissent exister. Nous, les humains, on fait preuve de timidité en 2030 Glorieuse finalement ? Oui, preuve de timidité et peut-être preuve d'humilité. Et ça, ça devrait être un synonyme d'humanité. L'humilité, l'humanité, l'humus, voilà des mots qui ont des origines étymologiques similaires et qui finalement sont porteurs de cette relation originelle. Nous sommes faits de terre. Les religions d'ailleurs parlent de tu retourneras à la poussière, etc. Mais il y a aussi cette idée de d'intégration, de partie intégrante de la nature. Et effectivement, bien il y a la manière très biologique, écologique de décrire les relations ou de les modifier ou de les entretenir. Et puis il y a ce que tu disais aussi, c'est ce qui peut être s'il y a des distinctions entre les hommes et les animaux, ce dont je suis plus du tout sûr, mais peut-être qu'il y a ça, cette lenteur, cette non productivité, cette non recherche d'objectifs à atteindre, mais cette capacité d'émerveillement et de leçons qu'on pourra tirer au travers du regard poétique et des bénéfices philosophiques, comme tu l'as dit, que peut nous procurer la nature. Ça participe du changement profond de regard et de relation qu'on a avec tout ce qui nous entoure. Et ça consiste plus, effectivement, à éclater la moindre bestiole, à arracher la moindre plante qu'on a autour de chez nous, parce qu'on la connaît pas et qu'a priori, c'est bien un tard de l'humanité. Si on ne connaît pas, on n'aime pas. Oui, finalement, c'est assez paradoxal, mais on a compris qu'en 2030 glorieuse, vis-à-vis de la réparation de ce lien au vivant, il fallait se hâter lentement. C'est-à-dire que on doit effectivement beaucoup réparer, beaucoup planter. On a ces nouvelles croissances qui s'offrent à nous dans la participation positive, enfin, de l'humain aux équilibres systémiques. Et donc là, ça passe par les mains, ça passe par le corps, ça passe par le faire ensemble. Et il y a aussi toute une partie de contemplation, d'ennui, de respect, de laisser faire, laisser aller, de zones sur lesquelles on a décidé de plus du tout intervenir. Raconte-nous comment on arrive à équilibrer ces deux situations qui pourraient sembler en réalité presque antinomiques. Eh bien, ça a été le problème pendant ces derniers siècles. Heureusement, depuis 10 ans, les choses ont changé. C'est qu'on considérait, et d'ailleurs on entendait souvent nos concitoyens le dire, que sans y mettre la main, en fait, la nature faisait ce qu'elle voulait et que ça se passait toujours mal au final. Et qu'il fallait absolument entretenir, sinon c'était la porte ouverte aux broussailles et à tout ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire, je caricature absolument pas puisque c'est ce qu'on entendait, des orties, des ronces, des guêpes, des tiques et des serpents. Et en général, dans les serpents, évidemment, c'est des vipères. Voilà, et ça fait partie des visions assez caricaturales qu'on avait et dont on réglait le problème par un choix tout à fait arbitraire de plantation, d'aménagement, de gestion. Et pour faciliter ces choses-là, à la fois dans l'aménagement et à la fois dans la gestion, on a rendu les choses un petit peu rectilignes, droites, des courbes douces, des platitudes. On a banalisé, uniformisé les habitats. Or, dans la nature, en fait, il n'existe pas 500 mètres carrés d'espace uniforme, sinon ça s'appelle un désert. Il y a toujours des bosses, des trous, un gros caillou, un tronc d'arbre, une mare, un talus, un pierrier, enfin bref, tout un tas de choses qu'on appelle des accidents en urbanisme et qui pour autant jouent des rôles primordiaux dans l'accueil de certaines plantes qui vont vivre à leur proximité et bénéficier des cailloux. Si vous voulez de la mélisse ou de la calidoine, évidemment, il faut des cailloux, ça pousse dedans. Mais qui vont aussi bénéficier à tout un tas d'animaux qui viennent se réfugier là quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, quand il pleut, quand il neige, etc. pour passer l'hiver, bref. Or, il y a une telle complexité du vivant, rien qu'en France métropolitaine, on connaît aujourd'hui 5 à 6 000 plantes, on connaît 40 000 espèces d'insectes, et on connaît 150 mammifères, plus de 500 oiseaux, 40 amphibiens, 40 reptiles. Voilà, c'est des chiffres qui sont vraiment énormes. Or, si on veut répondre à une grande diversité, ça devient extrêmement compliqué, parce qu'on est obligé de prendre des tableaux et de croiser des données qui sont très variées, très variables, et qui dépendent elles-mêmes d'autres composantes. Le meilleur moyen, finalement, et ça rejoint, par une pirouette, je vais rejoindre l'ennui et le laisser-faire, c'est que si on n'y met pas les mains, il se passe ce qui fonctionne le mieux, le plus naturellement et le plus efficacement, comme ça se passait depuis 3,5 milliards d'années avant qu'on commence à y toucher. Et là, se pose la dichotomie qui pourrait se réunir sur pas mal d'aspects, si on les croisait, entre la culture et la nature. La culture, c'est faire, c'est cultiver, c'est mettre les mains, c'est choisir, c'est préparer un terrain, c'est favoriser certaines espèces animales ou végétales pour l'élevage au détriment des autres, et c'est détourner un processus naturel à notre profit. Voilà, rien de péjoratif là-dedans, sauf que quand on a atteint un extrême aussi violent qu'aujourd'hui, on peut se demander où est le reste de nature, alors que la nature consiste, elle, à ne pas faire, mais à laisser faire, et regarder ce qui voudra bien germer ici, butiner là, et manger ou se reproduire là-bas. Et donc c'est là où le changement de paradigme peut aussi être efficace, effectif et quotidien. Là où on cultive, effectivement, c'est à but esthétique, parfois. Limiter la place de l'esthétique pour le fonctionnel, ça peut être une piste intéressante, mais c'est surtout pour se nourrir et pour vivre. Et là où on ne touche pas, c'est la nature qui va faire son trou. Or, la nature et la culture sont intimement liées, d'où la nécessité de faire rentrer de la nature à l'intérieur des cultures pour protéger les cultures des animaux qui s'en nourrissent, pour recycler la matière organique, donc augmenter le nourrissage du sol et donc des plantes, pour polliniser, donc favoriser le transport d'un grain de pollen, ce qui est le préalable à la reproduction sexuée des plantes. Bref, toutes ces choses-là qui se déroulent naturellement, eh bien, à partir du moment où on laisse faire une certaine surface de fonctionnalité naturelle se remettre en place, eh bien, on bénéficie à ce moment-là de tous ces services, ces fonctionnalités, ce qui rend nos espaces de culture bien plus efficaces, bien plus résilients. Mais là aussi, si on regarde ce que faisait la nature, c'est-à-dire toujours avoir des systèmes extrêmement complexes, eh bien, la modification de l'agriculture entre 2020 et 2030 a été radicale, puisqu'on est repassé de la monoculture intensive, du mono-élevage intensif, souvent hors sol d'ailleurs, à la polyculture-élevage, qui est un des premiers adages de la paysannerie, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça, c'est tout à fait pertinent. Avec tous les autres adages dont on pourrait écrire un livre, hein, il vaut mieux un binage vaut deux arrosages, on ne travaille pas un sol qui n'est pas essuyé. Bref, tout le bon sens, le savoir-faire et le bon sens paysan qu'on avait oublié en seulement deux générations nous permet de bénéficier de productions de qualité, de proximité, tout en gardant une place de choix à la nature sauvage qui nous entoure. Oui, d'ailleurs, chaque matin à la radio, on entend un de ces adages et on le décrypte, on le commente pour faire que ce bon sens redevienne la norme. On a des cours d'interdépendance à l'école. On se rend compte que finalement, on a besoin pour notre équilibre de complexité, de foisonnement et que tout ce qui est lisse, tout ce qui est trop simple, malheureusement, ne va pas dans notre sens. Donc, on a travaillé effectivement à tous les niveaux, hein, sur cette compréhension nouvelle. On a quand même, on le disait beaucoup, la nécessité d'intervenir, d'agir, de proposer. Ça, c'est ce que faisait déjà Arthropologia il y a une dizaine d'années en arrière. J'imagine que votre activité, elle s'est largement déployée, qu'il y a eu un véritable boom, hein, étant donné l'intérêt, l'envie, la volonté, le proactivisme même de l'humanité à se remettre au service du vivant. Comment ça s'est traduit? Est-ce que on a des Arthropologias partout en France pour simplement parler de notre territoire? Est-ce que vous avez en fait réussi à faire en sorte que toutes vos actions soient internalisées par directement les mairies, les régions, les collectivités territoriales? Raconte-moi comment vous avez réussi à passer de tout ce que vous faisiez déjà très bien en 2023 à, tu parlais d'un rapport 1 à 100 dans l'utilisation de l'énergie de l'humanité tout à l'heure. Vous avez explosé ce rapport, si je dis pas de bêtises. Eh bien, puisqu'on est dans la fiction, on l'a explosé entre 2001, la création, 2010, où on a mené un programme européen, 2019, on a mis en place les Assises nationales des insectes pollinisateurs. Mais finalement, à partir de 2025, quand les choses ont commencé à bouger, eh bien, on était obligé de réduire les effectifs pour des raisons simples, hein, c'est qu'on rentrait dans une phase de chômage technique. En fait, comme tu l'as dit, les collectivités, les pouvoirs publics ont pris ces choses à bras-le-corps, ont embauché des jeunes qui étaient formés sur ces techniques-là, sur ces modifications profondes de la société, et finalement, on n'avait plus besoin de nous. C'est-à-dire que chacun des salariés est parti rejoindre un tel une collectivité, un tel une mairie, un tel un conservatoire, etc. Et finalement, on est redevenu une association entièrement de bénévoles qui fait de la découverte de la faune, de la flore qui nous entoure, des plantes médicinales, des plantes comestibles, des insectes, des pollinisateurs, etc. Et on est retourné à nos motivations originelles, c'est-à-dire participer au savoir populaire, à la montée en connaissances et en compétences du grand public, mais on n'a plus de salariés puisque ce sont des choses, c'est comme ça qu'étaient fondées les associations. Les associations, c'est une réunion de personnes qui se mettent ensemble dans un même dessein. Eh bien, on n'avait plus besoin puisque le dessein était devenu le dessein de la société. On a été contraint de licencier les personnels, et c'est plutôt un aspect super positif. Une mauvaise réussite économique, mais une réussite sociétale. On voit souvent la disparition d'une structure comme un échec, alors qu'en réalité, là, en l'occurrence, dans votre cas de figure, c'est une vraie réussite, puisqu'aujourd'hui, Arthropologia, ce sont les paysans, Arthropologia, ce sont les élèves qui ont ces activités en relation avec le vivant au quotidien. Arthropologia, ce sont, comme on le disait, toutes les différentes échelles, les échelons des collectivités territoriales. Ce sont aussi les services civiques qui se sont transformés en services éco-volontaires et qui contribuent à tout âge de nos vies à se mettre justement le temps de quelques mois au service du vivant. Arthropologia, c'est presque un service d'une vie et en tout cas une boussole. Ça a été une boussole, voilà. Aujourd'hui, c'est maintenant que les choses sont rentrées dans la société, sont rentrées dans les normes. La vie sauvage, le vivant qui nous entoure fait partie de notre société. Effectivement, on était des doux rêveurs qui sommes devenus des personnes désuètes, puisque tout le monde aujourd'hui a pris à bras le corps la vie sauvage qui nous entoure. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours cette vision dichotomique entre la réussite économique d'une structure, par son résultat, par son nombre de salariés, et la réussite des objectifs d'une structure qui, pour une association, qui consiste à faire le travail que l'État refuse de faire, consisterait pour nous à ne plus avoir de salariés, mais que ces choses-là aient transpiré dans toutes les strates de la société. Et donc, aujourd'hui, chaque petite unité humaine, qu'on va dire à taille humaine, justement, que ce soit un quartier, un petit village, a un naturaliste en propre qui fait ce lien, j'allais dire presque diplomatique, avec le vivant. Et donc aujourd'hui, quand on dit qu'on est naturaliste, ça tient du bon sens. C'est comme quand on dit qu'on est facteur ou boulangère. Tout à fait. Ça fait partie des métiers indispensables à l'appréhension, la compréhension et de notre monde et la place importante qu'on lui laisse. Mais là aussi, c'est peut-être une seconde étape, c'est-à-dire que on a pour objectif maintenant de licencier les naturalistes de ces collectivités, dans la mesure où d'ici quelques années, l'ensemble de la population sera largement sensibilisée pour prendre à bras le corps ces problématiques-là et ne plus avoir besoin spécifiquement d'un professionnel, mais que tout à chacun ait des connaissances, qui sur de la botanique, qui sur les oiseaux, etc. Et ensemble, les citoyens sont capables de mettre en place des projets qui protègent, qui prennent en compte et qui protègent la vie sauvage, tout en même lui faisant une place, puisque dans nos constructions, on a intégré systématiquement la pose de nichoirs, de gîtes pour la faune sauvage, des espaces de culture, de la récupération des eaux grises, des toilettes sèches et donc du compostage pour l'agriculture. Culture urbaine. Bref, toutes ces choses qui sont du bon sens sont devenues aujourd'hui des évidences et des actes quotidiens. Voilà, la nature a aujourd'hui sa place. Non, mais attends, Hugues, ça veut dire que toi, tu es au chômage technique. Tu fais quoi en 2030 Glorieuse? Tu es rentré au ministère de l'Éducation pour justement déployer tout ce chapitre vivant tout au long de notre apprentissage? Aujourd'hui, le nez dans les bouquins a enchaîné les thrillers dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'occupe en 2030, Glorieuse? Alors, 2030, j'aurais 56 ans. Donc, je serais pas loin. Oh non, la retraite a reculé un petit peu. Mais effectivement, peut-être que la fin de ma vie la fin de ma vie professionnelle se passera ailleurs qu'Arthropologia, puisque aujourd'hui, on peut prendre du temps à réduire son volume de travail pour partager le travail avec ceux qui n'en ont pas, partager les richesses, c'est-à-dire limiter l'accumulation excessive de biens et notamment d'argent par quelques grandes fortunes, mais plutôt une redistribution plus juste, ce qui nous laisse du temps pour contempler, pour jardiner, mais aussi, et c'est moi ce qui me motivait, et je crains que ces choses-là ne s'arrêtent pas jusqu'à la fin de mes jours, pour transmettre, pour partager, pour expliquer, pour montrer, pour démontrer toute cette beauté, puisque évidemment, si tout le monde est imprégné en 2030 de cette nature, il faut quand même bien avoir un passage de relais, avoir une transmission de connaissances. Et donc, effectivement, au travers peut-être de l'éducation nationale, au travers de l'éducation populaire, au travers de la formation professionnelle, des rencontres avec le grand public, bref, dans la continuité tout à fait de ce que je fais aujourd'hui, eh bien, je continuerai à porter la parole de la nature, porter la voix des sans-voix, pour éviter que, comme en 2020, ils ne s'éteignent dans un silence assourdissant. Ce qui est juste insupportable. On revient en 2023, Hugues, et pour tendre une perche à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui ont envie de voir les 2030 Glorieuses dont on a parlé pendant une vingtaine de minutes, qui ont envie de les voir s'inscrire sur nos territoires, dans notre présent, et qui ont envie d'y contribuer, tu leur suggérerais quoi comme chose très concrète à faire pour continuer à les faire exister et à les déployer plus largement ces 2030 Glorieuses ? Ben comme évoqué au début de la discussion, il y a un gros problème de consommation, de production, de transport, de gaspillage qui est énorme et de pollution induite. Et donc évidemment, ça, sans changer ces modalités qui sont des modalités individuelles, qui ne peuvent pas changer collectivement ou qui changeront une fois que le grand public aura changé, parce que légiférer sur les processus industriels, on n'en est pas encore là. Eh bien, c'est des choix qu'on doit faire tout à chacun dans son quotidien. C'est valable pour les voyages, c'est valable pour le modèle de voiture, pour le renouvellement de ses vêtements. Enfin, je vous les passe pas tous, vous en avez idée. On peut aussi être très acteur auprès de son environnement, de sa famille, de ses voisins, de ses collègues, de ses amis, etc. Et puis, on peut tous être acteurs dans un petit espace. Tout le monde n'a pas accès à un jardin, à un espace vert. Mais pour les jardins, il y a 17 millions de jardiniers en France. Donc, ça laisse quand même une marge assez intéressante pour justement partager ces espaces de nature avec la vie sauvage qui nous entoure. Merci Hugues. Et bien de rien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!